C'était il y a 21 ans, à la fin de 1979. Les blindés de l'URSS envahissaient l'Afghanistan, comme ils l'avaient fait plus tôt, à Prague en 1968, ou à Budapest en 1956. Le panzer-communisme, comme on l'a appelé, se livrait une nouvelle fois à une impressionnante manifestation de force. Des dizaines de milliers de soldats soviétiques puissamment armés investissaient ce petit pays de 7 millions d'habitants sous le prétexte de venir en aide à un régime ami miné par une rébellion islamiste. 4 ans après l'humiliation subie par les États-Unis au Vietnam, le camp communiste paraissait plus fort que jamais. En Angola, au Mozambique, au Yémen du Sud, au Nicaragua, Moscou avançait ses pions. Et à Washington, où l'on vivait la douloureuse crise de l'affaire des otages de Téhéran, on semblait se contenter de compter les points. D'autant que le président américain s'appelait Jimmy Carter et que l'opinion internationale le considérait comme un mou, incapable de résister efficacement à la politique agressive et expansionniste de l'URSS. Pourtant, paradoxalement, cette invasion de l'Afghanistan et l'enlisement progressif de l'armée rouge vont marquer le début du déclin de l'Empire soviétique. Une décennie plus tard, l'URSS n'existera plus. Pour Moscou, l'Afghanistan a été son Vietnam. Selon M. X, il ne s'agit nullement d'un hasard, c'est en fait un véritable piège qui a été tendu aux soviétiques, un piège dans lequel ils sont tombés et qui a fini par précipiter la fin de l'URSS. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. J'ai toujours pensé qu'il fallait se méfier des faibles, enfin de ceux qu'on présente souvent à tort comme des faibles. Et à qui pensez-vous là? Un président américain. Oui, Jimmy Carter, oui, c'est ça. Oui, la colombe, Jimmy Carter, qui a été battu aux élections présidentielles de 1980 par le faucon Ronald Reagan, qui n'a pas hésité d'ailleurs à utiliser cyniquement l'affaire des otages de Téhéran pour triompher de son rival. Mais ouais. Nous en avons déjà parlé ensemble. Oui, bien sûr, je me souviens. Mais si je vous comprends bien, Carter n'aurait donc pas été tout à fait la colombe qu'on croyait, c'est ça, non? Exactement, oui, l'homme des accords de Camp David. Oui, entre Begin et Sadat. C'est ça. Donc ce président qui a été, ne l'oublions pas, le principal artisan de la réconciliation entre Israël et l'Égypte n'était pas seulement le gentil producteur de cacahuètes baptiste, faible, naïf et pétri d'humanisme qu'on a trop souvent raillé. Ah, il cachait son jeu. J'en suis persuadé. Et je vais vous en donner la preuve. Il faut aussi dire qu'il lui fallait rompre au moins en apparence avec le machiavélisme et le cynisme des années Nixon. Enfin, n'allons pas trop vite. Je vous écoute. Bon, je vais quand même pas vous faire un cours d'histoire, mais il faut quand même que je vous dise deux ou trois choses sur les rapports historiques entre la Russie et l'Afghanistan. Deux pays qui ont des frontières communes. Hein. Qui avaient, puisque les républiques musulmanes qui jouxtent l'Afghanistan sont devenues, depuis l'éclatement de l'Empire soviétique, des États indépendants. Savez-vous comment on appelait autrefois l'Afghanistan? Pas du tout, non. Le pays des insoumis. Et ça dit bien ce que ça veut dire, parce que ce pays montagneux, coincé entre deux empires, le russe et l'anglais... L'anglais, attendez, là, vous voulez parler des Indes? Bien sûr. Ouais. Donc ce pays naturellement fortifié a toujours résisté à toutes les tentatives de colonisation. Tant et si bien que russes et anglais ont fini par se résigner, et que l'Afghanistan est demeuré un royaume relativement indépendant. J'ajoute que cette indépendance n'a pas pour autant engendré la paix, car les multiples ethnies qui composent l'Afghanistan n'ont cessé de guerroyer les unes contre les autres. Ce n'est malheureusement pas fini aujourd'hui. Mais est-ce que la révolution d'octobre change quelque chose? Oui. Lénine, assez spectaculairement, reconnaît en l'Afghanistan le premier et unique État musulman indépendant du monde. Et très vite, la jeune République soviétique envoie à Kaboul des armes et des instructeurs militaires. Et pour faire pièce aux Britanniques. Naturellement, et pour encourager le nationalisme d'autres pays de ce qu'on n'appelait pas encore le tiers-monde. Staline, lui, sera beaucoup plus circonspect. Et dans cette partie du monde, il s'occupera surtout de régner d'une main de fer sur les républiques d'Asie centrale qui font partie de l'URSS. Donc pas question de soutenir le nationalisme islamiste. Bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale, la monarchie afghane essaie de se maintenir à mi-distance entre les deux blocs. Mais le jeu change brusquement lorsque les Indes deviennent indépendantes. En 1947. Oui, vous le savez, deux États sont créés, le Pakistan et l'Inde. Pour les Afghans, c'est une terrible déception. Une déception, pourquoi? Parce qu'à son habitude, le colonisateur, ici comme ailleurs, a imposé des frontières artificielles. Et l'une de celles-ci, au nord-ouest du Pakistan, coupait en deux le territoire Pachtoun. Les Pachtoun étant la principale ethnie afghane. Or, Lors de l'indépendance des Indes, les Afghans pouvaient légitimement espérer la réunification du territoire pachtoun. Mais il n'en est rien, c'est cela. Oui, mais le résultat, c'est une longue guerre frontalière entre l'Afghanistan et le nouvel État pakistanais. La conséquence lointaine sera l'intervention soviétique de 1979. Expliquez ça. Les Afghans, fidèles à leur politique traditionnelle, tentent de garder leur distance avec les deux blocs. Mais les Américains, à qui ils adressent plusieurs demandes d'aide, choisissent le camp pakistanais. Et pour quelle raison, cette décision américaine ? Le Pakistan leur semble, non sans raison d'ailleurs, avoir une plus grande importance stratégique, tandis que l'Afghanistan n'est qu'un pays encore moyenâgeux, enclavé dans ses montagnes. La conséquence immédiate, c'est un rapprochement avec l'URSS qui aide, elle, le royaume afghan à s'équiper, à se moderniser. Mais attendez, l'Afghanistan ne bascule pas pour autant dans le camp soviétique, hein ? Pas encore, non. Et à plusieurs reprises, mais sans succès, Kaboul fera des appels du pied à Washington. Ça signifie en tout cas que progressivement, l'influence soviétique grandit en Afghanistan. Et au milieu des années 60, on assiste à la création d'un parti communiste, le PDPA, Parti démocratique du peuple afghan. Parmi ses dirigeants, trois hommes qui vont jouer un rôle éminent dans l'histoire de leur pays. Taraki, Amin et Karmal. Et qui sont-ils, là, ces dirigeants ? Les deux premiers, Taraki et Amin, appartiennent à la même tribu pachtoune. Ils sont tous deux d'origine modeste, mais l'un, Taraki, a fait ses études en Inde, tandis que l'autre, Amin, a fréquenté plusieurs prestigieuses universités américaines. Et le troisième, là ? Karmal ? Oh, c'est le fils d'un général appartenant à une tribu qui règne depuis des générations sur le royaume. Ces types n'ont donc pas grand-chose en commun. Non, ils vont d'ailleurs rapidement se déchirer, surtout à partir du moment où l'Afghanistan va basculer franchement dans le camp socialiste. Et ça se passe quand, alors ? La première étape a lieu en 1973. L'ancien premier ministre Daoud, pourtant cousin du roi, renverse ce dernier. Et il devient président de la Nouvelle République. Mais ce Daoud est communiste ? Absolument pas. Mais c'est un étatiste farouche qui veut moderniser son pays. C'est lui qui a été autrefois l'artisan du rapprochement avec l'URSS. Et surtout, pour réussir son putsch, il s'est appuyé sur des officiers formés par les soviétiques. Alors il est donc d'une certaine manière l'otage de Moscou. Ça c'est certain, oui, d'autant qu'il doit faire face à une opposition islamiste très déterminée et qu'il va réprimer sans pitié. Et pourquoi alors cette opposition islamiste Parce que les chefs religieux sont hostiles à toute transformation de la société traditionnelle afghane. Sont au fond les précurseurs du mouvement des talibans qui règne aujourd'hui sur l'Afghanistan. Tout à fait, hein. Donc Daoud s'appuie sur les communistes, les plus modérés en tout cas, mais il réalise assez vite que les partisans de Moscou en profitent pour noyauter l'armée et l'administration. Et est-ce qu'il est encore temps pour lui de réagir Il essaie, il limoge des ministres communistes et amorce un rapprochement avec ses deux voisins pro-occidentaux, le Pakistan et l'Iran. C'en est trop pour Moscou. Brejnev réplique à sa façon, en avril 1978, des militaires proches des communistes s'emparent du palais présidentiel. Daoud et sa famille sont massacrés. Les communistes sont donc maintenant ouvertement au pouvoir. Oui, Taraki devient le président de la nouvelle République démocratique d'Afghanistan et ses deux amis et rivaux, Amin et Karmal, entrent dans le gouvernement. Cette fois, c'est donc clair, hein, l'Afghanistan a basculé. C'est devenu une démocratie populaire. Et Moscou est la première capitale à reconnaître le nouveau régime. Ouais, ça, on pourrait s'en douter. Mais là, en Occident, comment on réagit, là ? Oh, l'Afghanistan est loin, très loin. Et les États-Unis considèrent que ce pays ne fait pas partie de leur périmètre de sécurité et qu'il appartient traditionnellement à la zone d'influence soviétique. Ouais, par conséquent, ils ne s'émeuvent pas outre mesure. Hein. Oui, enfin, dans un premier temps, ils laissent faire. Dans un premier temps, ça veut dire que dans un deuxième temps... Bien sûr, et nous verrons plus tard comment... Mais à ce moment, l'essentiel n'est pas ça, c'est les communistes sont au pouvoir et sous la direction du président Taraki, ils entreprennent une marche forcée vers le socialisme. Et là, c'est une lourde faute. Et pourquoi exactement ? D'abord parce que même s'ils sont au pouvoir, les communistes afghans sont très minoritaires dans le pays. Puis ensuite, parce qu'en décrétant immédiatement des réformes radicales, ils prennent à rebousse-poil une société agraire et religieuse qui n'est nullement prête à les approuver. Même la politique de redistribution des terres suscite l'opposition des paysans. Pourquoi exactement ? Parce qu'elle est mal appliquée et qu'elle ne tient pas compte des traditions locales. Quant à l'alphabétisation, elle entraîne aussitôt l'hostilité des islamistes qui ne veulent pas envoyer leurs enfants dans des écoles où le Coran n'est pas la base de l'enseignement. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, les nouveaux dirigeants communistes appliquent des schémas... tout à fait inadapté au pays, c'est oui, ça ? Oui, mais au pays des insoumis, cela ne pouvait déboucher que sur une tragédie. D'autant que certains avaient intérêt à attiser le feu. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. L'ancien dissident soviétique, Vladimir Boukovski, de retour dans son pays, a eu accès à des archives secrètes. Dans un livre intitulé « Jugement à Moscou », publié en France chez Robert Laffont, il livre ce qu'il a découvert sur la politique de l'URSS en Afghanistan. Il évoque d'abord le coup d'État d'avril 73. Daoud, qui avait proclamé la République et qui en était devenu président, n'était pas communiste mais social-démocrate, guère plus radical que les socialistes européens. Moscou voyait en lui une sorte de Kerensky. Son rôle était de fonder les conditions politiques d'un progrès plus poussé. Encore une fois, les stratèges du Kremlin n'entendaient pas brusquer les événements. Daoud faisait parfaitement leur affaire, à titre provisoire, d'autant plus que les groupements communistes se querellaient constamment et n'arrivaient pas à s'unir. Plus loin, Boukovski évoque le deuxième coup d'État, celui de 1978. L'essentiel s'était accompli. On avait vu apparaître sur la carte du monde une nouvelle démocratie populaire dont la présence confirmait la thèse d'un déplacement des forces en faveur de celle du progrès, de la paix et du socialisme. S'ensuivit un traité d'amitié, une aide économique massive, l'envoi de conseillers militaires et la fourniture de matériel spécial, entendez, d'armement, cela à titre gracieux ou au quart du prix habituel. Le régime progressiste se mit avec vigueur à construire une vie nouvelle, liquidant des milliers de réactionnaires, de religieux, de révisionnistes. Personne, notez-le bien, ne s'émut de ce mouvement du communisme vers les mers chaudes, non plus qu'on ne s'en était ému à propos de pareilles avancées au Yémen du Sud, en Somalie ou en Éthiopie. Restait toutefois un humble détail qu'on avait omis de préciser dans l'ardeur de la lutte des classes, à savoir l'avis des Afghans eux-mêmes sur le progrès et le socialisme. Très rapidement, des groupes islamistes résistent au nouveau gouvernement communiste du président Taraki. 3 mois à peine après le coup d'État, un soulèvement se produit dans le nord-est du pays. Non, mais vous m'avez bien dit que certains avaient intérêt à souffler sur les braises. Mais évidemment, et en premier lieu, il faut penser aux voisins pakistanais. Et un peu plus tard, lorsque Khamenei aura pris le pouvoir à Téhéran, les islamistes recevront de l'aide iranienne. En tout cas, la réplique afghane est brutale et la répression féroce. Taraki, qui connaît bien son pays, tente même de dresser les différentes tribus les unes contre les autres. Ça suffit à juguler les soulèvements ? Non, la répression, c'est bien connu, ne fait qu'attiser la rébellion. Et à Moscou, comment observe-t-on cette situation ? Avec une très grande circonspection. Pas plus ? Non, parce que les soviétiques, à l'évidence, n'ont pas envie d'aller plus loin. Oh, bien sûr, ils ont envoyé en Afghanistan des conseillers militaires, des armes, des biens d'équipement, mais ils n'entendent pas s'engager plus, uniquement pour des considérations de politique internationale. Ouais, pour ne pas passer pour les agresseurs. Bien sûr, c'est une époque où l'URSS fait des efforts considérables en direction des pays du tiers-monde. Donc pas question de ternir l'image de la patrie du progrès, fer de lance des luttes anti-impérialistes et anticolonialistes, enfin, vous savez, pour reprendre le jargon en vigueur. Tout à fait, la langue de bois, ouais, très bien. Je suis même sûr qu'au Politburo, certains devraient regretter d'avoir transformé si vite l'Afghanistan en démocratie populaire. Oui, parce que le pays n'était pas prêt, à l'évidence. C'est évident, oui. C'est un pays qui sortait tout droit du Moyen-Âge et qui n'avait pas de classe ouvrière. Donc, selon le credo marxiste, il n'était pas mûr. Je suis persuadé, d'autre part, que les experts soviétiques n'avaient pas pris la mesure de l'ampleur de l'opposition que suscitait la politique de Taraki. Une erreur d'appréciation ? Incontestablement. Mais en mars 79, il se produit un événement, lui, considérable. À quoi, là ? La troisième ville du pays, Herat, tombe aux mains des rebelles. Et pour les dirigeants de Moscou, ça fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ils comprennent enfin. Et le piège va peu à peu se refermer sur eux. C'est-à-dire le piège ? Presque immédiatement, le président Taraki appelle les dirigeants soviétiques au secours. Et que veut-il ? L'envoi de troupes. C'est-à-dire l'intervention de l'armée rouge ? Exactement, mais une nouvelle fois, à Moscou, on hésite. Envoyer des blindés à Kaboul, c'est aussi mettre en péril la politique soviétique de détente et de désarmement. Alors même que l'OTAN envisage de déployer des fusées en Europe. Est-ce que l'Afghanistan mérite de tels sacrifices ? Il y a donc débat au sein des plus hautes instances soviétiques ? En effet. Il y a les partisans de l'intervention et les autres, comme Andropov. Et Andropov qui, si je me souviens bien, est alors le patron du KGB. Un de plus, oui. Oui, qui souligne la grande faiblesse du régime afghan, son impopularité, ses excès. Si les troupes soviétiques devaient intervenir, elles seraient obligées de combattre le peuple, de l'écraser. Oh, écoutez, en d'autres circonstances, à Berlin, à Prague ou à Budapest, le Kremlin n'a pas eu ce genre de scrupules. C'est vrai, mais enfin, les temps ont changé. Alors Taraki, assez habilement, propose un subterfuge. Lequel ? Il dit en substance aux soviétiques, envoyez des soldats ouzbeks, tadjiks ou encore des turkmènes, autant d'ethnies qui existent aussi en Afghanistan. Personne ne pourra faire la différence. Et des hommes qui seraient revêtus d'uniformes de l'armée afghane, j'imagine. Naturellement. Si l'URSS ne pourrait pas être accusé d'intervenir directement en Afghanistan. Oh, c'est quand même cousu de fil blanc. Enfin, On aurait bien fini par se percevoir qu'il s'agissait en fait de soldats de l'armée rouge. Certainement, mais les apparences auraient été sauvées. Ouais. Pourtant, si j'ai bien compris, Moscou, une fois de plus, a refusé cette supercherie. Oui. Ouais. Je vais revenir sur ce que vous avez dit plus haut, là, ce piège dont vous avez parlé. Je vous explique. Après le soulèvement de la ville d'Herat en mars 79, je vous ai dit que les dirigeants soviétiques avaient hésité à intervenir militairement. Et qu'il y avait même eu débat, hein, chez eux. Ça signifiait donc que la décision aurait pu être prise, et qu'elle serait prise si, par exemple, la situation s'aggravait encore, ou si un événement imprévu se produisait. Vous commencez à comprendre ? Oui, bref, vous pensez qu'il était possible de pousser Moscou à la faute, hein, c'est bien ce que vous voulez dire. Évidemment. Ce qui suppose qu'à l'extérieur des murs du Kremlin, on a eu vent de ce débat. Bien sûr, mais pensez-vous sérieusement que ces murs, comme vous dites, étaient parfaitement hermétiques ? Il y avait des fuites, alors. Pas forcément. Puis je crois savoir que cette affaire a fait l'objet d'une réunion élargie du Politburo à laquelle ont participé tous les secrétaires du comité central. Ça fait beaucoup de monde et ça multiplie les possibilités de fuite. Donc soyons clairs, dans les services secrets occidentaux, car c'est bien d'eux dont il s'agit, hein, on a appris donc au printemps 79 que Moscou avait sérieusement pensé à intervenir militairement en Afghanistan. C'est la vérité. Ouais, d'accord. Alors le piège lui-même. Bah, laissez-moi d'abord vous raconter la suite. Non, je voudrais d'abord comprendre. Quel était l'intérêt de l'Ouest à pousser Moscou à la faute ? C'est limpide. Forcer les Soviétiques à intervenir en Afghanistan, ça consistait non seulement à les faire apparaître comme des agresseurs, mais c'était aussi les précipiter dans une guerre longue et coûteuse. Un nouveau Vietnam. Voilà. Car à l'Ouest, les meilleurs spécialistes de la question afghane savaient que le formidable rouleau compresseur de l'armée rouge serait impuissant à réprimer une rébellion éclatée, protégée par un relief montagneux difficile. Ouais. Et armés en temps voulu par les puissances occidentales. Et les plus riches des pays arabes. Donc, à terme, ça se traduirait par un enlisement, une guerre interminable, coûteuse en hommes, en matériel, en argent, et qui ne manquerait pas de provoquer à l'intérieur même de l'URSS une grande lassitude, sinon des ferments d'opposition. Vous avez compris maintenant ? L'enjeu était considérable. Mais si à l'Ouest, certains stratèges voyaient aussi loin. À Moscou, on ne pouvait pas ne pas faire la même analyse. C'est juste, les plus lucides, comme Andropov, avaient saisi tous les dangers d'une intervention militaire. Mais il y avait aussi les autres, tous ces gérontes dépassés qui ne respectaient que la force quand ils ne s'endormaient pas lors des réunions du Politburo. Brejnev lui-même était déjà diminué physiquement et intellectuellement. Et nul ne l'ignorait à l'Ouest. Bien évidemment, il était donc d'autant plus facile de faire tomber ces dirigeants séniles dans le piège qu'on leur avait tendu. Encore fallait-il amorcer la bombe. Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. En 1979, Brejnev était-il aussi diminué que M. X le prétend ? André Fontaine, l'ancien directeur du Monde, a publié en 1995 aux éditions Fayard un ouvrage intitulé « Après eux, le déluge ». Voici le portrait cruel qu'il trace du dirigeant soviétique. Brejnev ne devait d'avoir accédé au pouvoir qu'au fait d'avoir pris contre Khrouchtchev le parti de la nomenklatura menacé dans ses privilèges. Comme l'écrit quelqu'un qui l'a beaucoup fréquenté, Georgi Arbatov, il méritait sa réputation d'homme mal élevé, à l'esprit étroit, sans vue personnelle sur bien des problèmes sociaux et politiques. Il ne lisait pratiquement rien, sinon des magazines illustrés, préférait les films consacrés à la nature et aux animaux, et regardait rarement un film sérieux jusqu'à la fin. En cela, malheureusement, il était absolument typique de l'élite politique de cette époque. Seul un personnage de ce type pouvait survivre et réussir dans les conditions alors existantes. L'âge, il était né en 1906 et l'infarctus, qui l'avait obligé des mois durant en 1975 à suspendre ses activités politiques, avait sensiblement affecté ses capacités intellectuelles et physiques. Ses interlocuteurs de l'époque ne se souviennent pas l'avoir entendu avancer une seule idée, un seul argument un peu personnel. Le plus souvent, il se contentait de lire, en suivant les lignes avec son doigt, les notes ou les réponses préparées par ses collaborateurs. Mais le plus frappant chez lui, dans ces dernières années, était sa vanité sans limite. D'avoir fait la guerre à la place relativement modeste de commissaire politique ne l'avait pas empêché de s'autoproclamer maréchal, héros de l'Union soviétique, ni d'arborer, quand il revêtait l'uniforme, l'ordre de la victoire, médaille d'or et de platine décernée seulement jusqu'alors aux très grands chefs militaires de la guerre, ainsi que 119 autres décorations, soit 3 de plus que celles attribuées à un vaillant entre les vaillants, comme le maréchal Joukov. Sur le terrain, les forces gouvernementales, après la prise des rats, ont repris momentanément une relative supériorité. La ville rebelle est écrasée sous les bombes de l'aviation. Enfin, ce n'est qu'un répit de courte durée. Est-ce que les islamistes repassent à l'action? En fait, ils n'ont jamais vraiment cessé de harceler les troupes gouvernementales. Mais au cours de cet été 1979, incontestablement, ils accroissent leur offensive. Est-ce que ça veut dire qu'ils reçoivent déjà de l'aide? J'en suis sûr, car ils disposent de plus en plus d'armes. Mais des armes de quelle origine, alors? La plupart de celles qui sont saisies proviennent des pays de l'Est, mais enfin, ça ne signifie pas grand-chose. Que voulez-vous dire, là? Bien souvent, ce sont des armes qui ont été volées dans des dépôts gouvernementaux ou prises au cours des combats. Enfin, c'est ce que prétendent les chefs de la rébellion. Mais ne disent pas toute la vérité. Des armes fabriquées à l'Est ont été achetées dans des pays amis qui en disposent. Quel pays? L'Égypte, par exemple, qui a été longtemps pourvue de matériel militaire soviétique. Alors, qui les achète, ces armes? Ça, c'est pas très compliqué à trouver. La CIA, bien sûr. La CIA qui les achemine jusqu'au Pakistan et se débrouille avec les services secrets de ce pays pour les faire passer de l'autre côté de la frontière. Et les donner aux rebelles? Oui, aux Moudjahidines, comme on va désormais les appeler, c'est-à-dire les combattants de la guerre sainte. Vous prétendez donc que la CIA aidait ces rebelles, hein, avant même que les troupes soviétiques ne pénètrent physiquement en Afghanistan? Ça, je suis formel. Ouais. Alors quand, si je me souviens bien, les soviétiques ont accusé les Américains d'ingérence en Afghanistan afin de justifier leur propre intervention. Ben, ils avaient raison. Oui, pour une fois, il ne s'agissait pas seulement de propagande. Mais Moscou avait tellement habitué l'opinion internationale à ces mensonges que tout le monde a pensé qu'une fois de plus, ces protestations n'avaient pour but que de justifier sa propre ingérence dans les affaires afghanes. Une ingérence de plus en plus grande, d'ailleurs. Parce que les Moudjahidines remportaient de leur côté de plus en plus de succès. En août, par exemple, c'est la garnison de Kaboul qui se révolte. L'aviation soviétique basée dans la capitale afghane doit intervenir pour mater les mutins. Conséquence, les Russes sont contraints à augmenter leur aide. Non seulement en matériel, mais en hommes. Et encore des conseillers militaires. Mais aussi des troupes. Qui combattent sur le terrain? Non, leur présence est surtout dissuasive. Mais il n'empêche qu'au fil des mois, Moscou s'engage de plus en plus. Et il apparaît à tous les observateurs que l'URSS soutient désormais à bout de bras le régime du président Taraki. Ouais. Tout à l'heure, là, vous m'avez parlé d'une bombe, c'est ça, c'est votre propre terme, hein, qu'il fallait amorcer afin de précipiter l'intervention soviétique. J'y viens. À la mi-septembre, Hafizullah Amin, qui occupe alors le poste de vice-président et de ministre des Affaires étrangères, destitue le président Taraki et le fait assassiner. Peut-être même le tue-t-il lui-même. Enfin bon. Et vous l'imaginez bien, il s'installe à sa place à la tête du pays. Ouais. Pourtant, ils sont communistes tous les deux. Et mieux que cela, je vous l'ai dit, ils appartiennent à la même tribu. Alors, que se passe-t-il là? C'est une révolution de palais? Non, c'est beaucoup plus que cela. La prise du pouvoir par Amin, c'est la bombe dont je vous ai parlé. Ouais, mais qui fait éclater cette bombe? C'est Amin lui-même? Bien sûr que non. Ce n'est donc qu'un instrument, alors? Oui, un instrument aux mains des Américains. Ah, vous insinuez que ce communiste aurait été un agent américain, un agent de la CIA, quoi? Agent au sens propre du terme, je ne sais pas. Manipulé par la CIA, ça très certainement. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début de cet entretien. Amin a fait ses études aux États-Unis. Il est fort probable qu'il a lié à cette occasion des amitiés avec des Américains. Des hommes qui n'ont jamais tout à fait rompu le contact avec lui et se sont rappelés opportunément à son bon souvenir. Je veux bien vous suivre là, mais en quoi l'accession au pouvoir de ce communiste peut provoquer l'intervention militaire soviétique en Afghanistan? Ça me paraît assez tiré par les cheveux, votre histoire. Toujours sceptique. Hein? Bah, avec votre manie de voir la CIA partout. Bon, je sais, on ne peut être qu'aux riches. Enfin, il n'empêche que dans cette affaire, je suis sûr de mes sources. Alors voyons, d'abord, cette élimination physique et politique de Taraki irrite au plus haut point le Kremlin. Car Brejnev a encore assuré Taraki de sa confiance, il n'y a pas si longtemps. Ouais, peut-être, mais enfin, ça ne suffit quand même pas pour lancer des centaines de blindés et des dizaines de milliers de soldats sur les routes de l'Afghanistan. Vous avez raison, alors écoutez la suite. Amin, assez rapidement, donne des sujets d'inquiétude aux soviétiques. De quel ordre? Il fait quelques gestes en direction des islamistes, libère des hommes emprisonnés par son prédécesseur et procède à de très sévères purges dans les milieux dirigeants, donc proches de Moscou. Et autant d'initiatives qui font grincer des dents chez les gérontes du Kremlin. Oui, ce sont de véritables provocations, et des provocations inutiles. Et pourquoi? Parce que ça ne ralentit en aucune façon l'action des Moudjahidines. Bien au contraire. On estime à l'automne 1979, c'est-à-dire à quelques semaines après la prise du pouvoir par Amin, que les trois quarts du territoire afghan sont sous le contrôle des rebelles. Donc, du point de vue de Moscou, non seulement le nouveau président afghan est politiquement douteux, hein, mais il se révèle incapable de juguler l'action des Moudjahidines. La conclusion, il faut intervenir militairement le plus vite possible. Sinon, l'Afghanistan va devenir une nouvelle république islamique. Comme sa voisine, l'Iran. L'Iran, où Khomeini a pris le pouvoir seulement quelques mois plus tôt. Vous voyez donc que, de leur point de vue, si les Soviétiques veulent que l'Afghanistan demeure dans leur zone d'influence, ils sont obligés d'agir. Obligés parce que, prétendez-vous, on les a contraints. Sans nul doute. Mmh. Et simultanément, ils en profitent naturellement pour liquider physiquement Amin et installer à sa place Karmal. Mmh. Je voudrais revenir justement sur le cas d'Amin. D'après vous, les Américains, c'est-à-dire la CIA, l'ont poussé à faire assassiner Teraki, à prendre le pouvoir. Mais dans le même temps, ils ont continué à aider la rébellion. Ça vous choque ? Depuis le temps que je vous écoute, mes facultés d'indignation se sont considérablement émoussées. En tout cas, ça signifie que Amin n'a été qu'un pion dans la main des Américains. Tout à fait. Il était sacrifié d'avance. Mais l'enjeu était à la hauteur du cynisme de l'opération, parce qu'il s'agissait à terme d'aboutir au déclin de l'URSS et à son effondrement. Et pour atteindre cet objectif, le piège afghan a joué un rôle au moins aussi important que le projet de guerre des étoiles de Reagan, qui a littéralement asphyxié économiquement l'URSS en la contraignant à faire de la surenchère militaire. Ouais. Alors Carter n'a pas été moins redoutable que Reagan, c'est ça ? Ça, j'en suis persuadé. C'est pourquoi je vous le disais au début de cet entretien, il faut se méfier des faux mots. Des faux mots, oui. Un dernier mot. Si on regarde la situation de l'Afghanistan aujourd'hui et le régime extrémiste des talibans, est-ce qu'en piégeant l'URSS, on n'a pas ouvert la boîte de Pandore ? Vous voulez dire, est-ce que la fin du communisme en Europe méritait la naissance d'un islamiste intégriste ? À vous de juger. Que faut-il penser de cette thèse de M. X ? Les Américains, via la CIA, ont-ils vraiment poussé l'URSS à intervenir militairement en Afghanistan ? Zbigniew Brzezinski était alors conseiller du président Carter pour les affaires de sécurité. En novembre 1997, il a accordé une interview au Nouvel Observateur. Et, pour la première fois, il a levé une partie du voile sur cette question, je le cite. « Selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA aux Moudjahidin a débuté courant 1980, c'est-à-dire après que l'armée soviétique eut envahi l'Afghanistan le 24 décembre 1979. Mais la réalité, gardée secrète jusqu'à présent, est tout autre. C'est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime pro-soviétique de Kaboul. Et ce jour-là, j'ai écrit une note au président dans laquelle je lui expliquais qu'à mon avis, cette aide allait entraîner une intervention militaire des Soviétiques. Brzezinski ajoute « Nous n'avons pas poussé les Russes à intervenir, mais nous avons sciemment augmenté la probabilité qu'ils le fassent. » Et lorsque le journaliste Vincent Jouvert lui demande s'il regrette cette initiative, l'ancien conseiller de Carter répond « Regrettez quoi ? Cette opération secrète était une excellente idée. Elle a eu pour effet d'attirer les Russes dans le piège afghan. Et vous voulez que je le regrette ? Le jour où les Soviétiques ont officiellement franchi la frontière, j'ai écrit au président Carter en substance « Nous avons maintenant l'occasion de donner à l'URSS sa guerre du Vietnam ». De fait, Moscou a dû mener pendant presque 10 ans une guerre insupportable pour le régime, un conflit qui a entraîné la démoralisation et finalement l'éclatement de l'Empire soviétique. Par contre, Brzezinski, dans cette interview, ne dit mot d'une éventuelle connivence d'Amin avec la CIA. Secret d'État ? Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission ou nous poser des questions sur notre site www.franceinter.com.